Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 17 juillet, nous souhaitons une bonne fête aux Charlottes. Ça vient du germanique fort et viril. Ouverte, sympathique, extravertie, communicative, les Charlottes possèdent de grandes facilités d'expression. Joviales et de bonne humeur, elles sont avant tout affectives et ont besoin des autres pour se sentir exister. Elles aiment bavarder et amuser leur entourage. D'une sensibilité extrêmes, elles peuvent passer par des états émotionnels intenses. Elles tendent à se mêler de ce qui ne les regarde pas, soit pour accroître leur ascendant sur autrui, soit simplement par souci de bien faire ou par pur altruisme. Intuitives, elles s'adaptent rapidement à toute situation. Elles croient aussi en leur chance, ce qui leur confère une certaine confiance en elles-mêmes et en leur bonne étoile. Elles ne sont pas toujours tournées vers l'effort, la rigueur ou la constance, mais se montrent bien souvent fantaisistes, bohèmes parfois. Les Charlottes sont des prénoms faciles et agréable qui donne une personnalité attachante, expressive et gaie. Plus elles seront conscientes de ses atouts et en tireront parti positif, plus leur vie sera constructive et dynamique. Les risques de dispersion sont tout aussi forts et c'est un point sur lequel il sera judicieux de veiller. Dicton du jour, juillet doit rôtir ce que septembre mûrira. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la justice internationale et dans les événements qui se sont déroulés un 17 juillet, en 1979, Simone Veil était élue présidente du Parlement européen. Allez, tout de suite, première pause musicale avec la chanteuse Mandy Smith et son titre « I Just Can't Wait ». I'm just a baby. Mandy Smith sur RGM, un peu plus de 8h35. On est toujours dans la matinale et on va parler, eh bien, anniversaire. Avec ceux qui sont donc nés un 17 juillet 1935, naissance de Diane Carroll, actrice américaine, vue à la télévision dans Dynasty, les saisons 4 à 7, dans le rôle de Dominique Devereaux, quelques épisodes de Grey's Anatomy dans le rôle de Jen Burke, et connue pour son rôle de June dans les saisons 1 à 6 de la série FBI Yo, très spéciale. C'est également l'année de naissance de Donald Sutherland, acteur canadien vu dans les années 60 dans Les Douze Salopards, ensuite vu dans MASH, Haute Sécurité, JFK, Le Droit de Tuer, Braquage à l'Italienne, Orgueil et Préjugés, la saga Hunger Games dans le rôle du président Coriolanus No, Japlou, à la télévision de Dirty Sexy Money ou encore Crossing Lines. 1952, naissance de David Hasselhoff, acteur américain vu au cinéma dans Les Gardiens de la Galaxie 2, Baywatch, Alerte à Malibu, connu pour son rôle du docteur William Foster Jr. dans Les Feux de l'Amour, vu dans La Croisière s'amuse, la série K2000 dans le rôle de Michael Knight, et bien évidemment Alerte à Malibu dans le rôle de Mitch Buchanan, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans la série Alerte à Hawaï. 1954, naissance d'Angela Merkel, femme politique allemande, chancelière depuis 2005. C'est également l'année de naissance de Joseph Michael Straczynski, producteur américain qui l'on doit Babylon 5, Jeremiah, Thor ou encore World War Z. 1958, naissance de Wong Kar-wai, cinéaste hongkongais à qui l'on doit Les Anges Déchus, Happy Together, In the Mood for Love, récompensé par le César du meilleur film étranger, ou encore Ma Blueberry Nights. 1964, naissance d'Heather Langenkamp, actrice américaine, connue pour son rôle de Nancy Thompson dans Les Griffes de la Nuit, Les Griffes du Cauchemar et Freddy Sort de la Nuit. 1968, naissance de Betty Scram, actrice américaine, connue pour son rôle de Sharona Fleming dans la série Monk, vue également dans les séries Felicity ou encore Ghost Whisperer. 1969, naissance de Jason Clarke, acteur australien, vu dans Public Enemies, Wall Street, L'Argent ne dort jamais, Gatsby, le magnifique, la version récente, hein, pas la version des années 70. Vu également dans White House Down, La Planète des Singes, L'Affrontement, à la télévision dans la série Brotherhood durant 3 saisons dans le rôle de Michael Caffey. 1970, naissance de Mandy Smith, chanteuse, mannequin britannique. 1972, naissance de Molly Parker, actrice canadienne, vue à la télévision dans Six Feet Under, Deadwood dans le rôle d'Alma Garrett, House of Cards dans le rôle de Jackie Sharp. 1975, naissance de Cécile de France, actrice belge, vue dans L'Auberge espagnole dans le rôle d'Isabelle, récompensée par le César du meilleur espoir féminin, rôle qu'elle a d'ailleurs repris dans la suite Les Poupées Russes, César de la meilleure actrice dans un second rôle, et dans Casse-tête chinois, le troisième volet. Vue également dans le film Irène, dans le rôle d'Irène, Moi César, 10 ans et demi, 1m39, Fauteuil d'orchestre, Un secret, dans le rôle de Tania, ou encore L'instant de mort, dans le rôle de Jeanne Schneider. C'est également l'année de naissance de Vincent Vitoz, ancien fondeur français, qui a été champion du monde de la poursuite en 2005 et a terminé deuxième du classement général lors de la Coupe du Monde 2005, meilleure performance d'un fondeur français. 1976, naissance de Luke Bryan, chanteur américain de musique country. 1981, naissance de Mélanie Thierry, mannequin actrice française, vue dans Babylon AD, Largo Winch, Le Dernier pour la Route, César du meilleur espoir féminin, Au revoir là-haut dans le rôle de Pauline et à la télévision dans les saisons 1 et 2 de la série Merci, les enfants vont bien dans le rôle d'Isis. 1985, naissance de Tom Fletcher, musicien britannique du groupe McFly. 1992, naissance de Mehdi Metella, nageur français spécialiste du sprint en nage libre et en papillon. Champion du monde du 4x100 mètres nage libre en 2015, il compte également 2 médailles de bronze. Et aux Jeux Olympiques, il a remporté 1 médaille d'argent sur le 4x100 mètres nage libre. 1994, naissance de Benjamin Mendy, footballeur français, qui de 2011 à 2013 a joué à Le Havre, de 2013 à 2016 à l'Olympique de Marseille, de 2016 à 2017 à Monaco. Depuis 2017, il joue à Manchester City, champion du monde 2018, et il a remporté 6 trophées en 31 matchs joués entre 2017 et 2019. 2 fois la Premier League, la Coupe du Monde, la Community Shield et 2 fois la League Cup. En 1918, décédé Nicolas II, tsar de Russie de 1894 à 1917, est décédé en 1918 avec d'ailleurs toute sa famille. En 1995, est décédé Juan Manuel Fangio, coureur automobile argentin, 5 fois champion du monde de Formule 1 en 1951, 54, 55, 56 et 57. Il comptait à son actif 51 départs, 35 podiums pour 24 victoires. En 2010, est décédé Bernard Giraudot, acteur français vu dans Le Toubib. La Boum, dans le rôle d'Eric Lehmann, le prof d'allemand. Viens chez moi, j'habite chez une copine, dans le rôle de Daniel, ou encore Papy fait de la résistance. En 2015, on apprenait le décès de Jules Bianchi, pilote de Formule 1 français qui avait participé à 34 Grands Prix de F1 entre 2013 et 2014. Et hier, nous avons appris le décès de Johnny Clegg. Pardon, excusez-moi, chanteur sud-africain surnommé le Zoulou Blanc, leader successif des groupes Yuluka et Savuka. Et les thèmes de ses chansons étaient principalement axés sur la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il fut l'inlassable défenseur de la culture africaine, notamment avec sa chanson la plus célèbre et qui rend d'ailleurs hommage à Nelson Mandela, Assi Bononga, et en l'honneur donc de Johnny Clegg, on écoute tout de suite Assi Bononga. Assi Bononga, Assi Bononga, Mandela Tina, la paix kona, la paix félicona. Assi Bononga, Assi Bononga, Mandela Tina. La paix qu'on a, la paix chérie qu'on a. Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the island into the bay. Burning water. Assi Bononga, Assi Bononga, Mandela Tina, la paix qu'on a, la paix chérie qu'on a. Assi Bononga, Assi Bononga, Mandela Tina, la paix. Victoria Mpenge. Assi Bononga, Assi Bononga, Dadi wetu Tina, la paix kuna, la wafela kuna. Neil Agate. Assi Bononga, Assi Bononga, Mfo wetu Tina, la paix kuna, la wafela kona. Haungiti yei wena, yei wena, yei wena, yei wena. Nawe so figa nini lasi ya kona, lasi ya kona. Assi Bononga, Assi Bononga, Voilà, Si Bonanga en l'honneur de Johnny Clegg, hein, dont je vous le rappelle, le décès hier à l'âge de 66 ans des suites d'un cancer. Allez, tout de suite, on s'écoute Luke Bryan avec son titre « Someone Else Call Me, Calling You Baby ». I saw a truck backing out of your drive. You were sitting in the passenger side, messing with the radio. You had your sunglasses on. I pulled over 'cause I couldn't believe 2 weeks ago that was you and me, riding down these old back roads, singing our song. Chanteur Luke Bryan sur le 107FM. Il est un peu plus de 8h50 et on fait un point sur toutes les sorties cinéma. Et on commence avec un film très attendu. Le dessin animé est passé d'ailleurs à la télévision lundi soir. Ça a fait un véritable carton d'audience, même bien des années plus tard. Eh bien, aujourd'hui sort Le Roi Lion, version réalité virtuelle, film d'animation, hein, de Jon Favreau, avec pour les voix françaises Jean Jean Reno qui reprend sa voix de Mufasa et avec les voix de Ryan Bensetti pour Simba, Anne Silla pour Nala et il y a également Jamel Debbouze qui fait la voix de Timon si ma mémoire est bonne. En tout cas voilà, si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, que vous voulez prendre un petit peu le frais, eh bien le Roi Lion, ça fera plaisir aux grands comme aux plus petits. Allez, dans les autres sorties cinéma, on continue avec, alors là, tout un autre genre, un thriller de Roche Dizem qui s'intitule Persona non grata avec Roche Dizem, Raphaël Personnaz et Nicolas Duvauchel. Autre film, Ride Rose, un film musical, drame, comédie de Tom Harper avec Jesse Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo. Autre film, Le coup du siècle, comédie de Chris Addison avec Rebel Wilson, Anna Taoué ou encore Alex Sharp. Autre film, Yuli, biopic d'Icar Bolain avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso et Kevin Martinez. Autre film, 100 kilos d'étoiles, comédie dramatique de Marie-Sophie Chambon avec Laure Duchesne, Angèle Metzger et Pauline Serriès. Et enfin, un dernier film, Her Smell, drame d'Alex Rose Perry avec Elisabeth Moss, Cara Delevingne ou encore Dan Stevens. Voilà pour les sorties cinéma. Avant de passer à la météo et au sport, on se fait une nouvelle pause avec le groupe McFly et leur titre All About You. Yesterday you asked me something I thought you knew, so I told you with a smile, it's all about you. Then you whispered in my ear and you told me to, said you made my life worthwhile, it's all about you. Le groupe McFly sur RGM, un peu plus de 8h55, on parle météo. La météo. Belle journée ensoleillée au programme d'aujourd'hui. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés ce matin, entre 26 et 28 degrés pour cet après-midi. Jeudi sera encore une belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 27 et 28 degrés pour demain après-midi. Vendredi, journée ensoleillée également. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 26 et 28 degrés prévues pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le tennis et le tournoi de Lausanne et l'élimination hier de Pauline Parmentier en 3-7 face à Samsonova. 6-0, 3-6, 6-3. Qualification d'Alizé Cornet en 2-7 face à Trevisan. 6-4, 6-4. Aujourd'hui, Cornet affrontera Paolini et Garcia sera opposé à Pera. À Bastadt, Jérémy Chardy s'est qualifié en 3-7 face à Karen Augusta. 6-4, 4-6, 7-5. Il affrontera aujourd'hui Garin. À Umag, il n'y a plus de Français déjà dans ce tournoi avec l'élimination hier de Corentin Moutet en 2-7 face à Caruso, 7-5, 6-0. À Newport, aujourd'hui, Humbert affrontera Ramanathan et Manarino sera opposé à Sandgren. Et ça y est, c'est la reprise du Tour de France aujourd'hui après le repos hier bien mérité. Aujourd'hui, 11e étape entre Albi et Toulouse, 167 km à parcourir, étape plat. Au kilomètre 32, il y aura tout de même une côte de 3e catégorie. Au kilomètre 77, une côte de 4e catégorie. Et au kilomètre 87, un sprint intermédiaire. Voilà pour le profil de cette étape. Je vous rappelle que le maillot jaune est sur les épaules de Julien Alaphilippe. Voilà pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale et on termine avec le tube de l'été 1999. Avec Zebda et Tomber la chemise. Tous les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, des faces de stalagmites et de jolies. Des têtes d'acné, un homme la famille. Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs. Et tout ce que le béton a fait de meilleur. Dès qu'ils voulaient pas payer l'entrée 30 balles. On t'envahit la scène, on t'envahit la salle. Y'a là des bandits qui ont des têtes de cailloux. Ceux qui ont du sentiment autant que les voyous. Attendent qu'on allume un méchant bouquin. De la scène des volcans. On a tombé la chemise. Oui, moi je Zebda qui a tombé la chemise tube de l'été 1999. Rendez-vous demain pour découvrir un nouveau tube de l'été. Il est un petit peu plus de 9h et c'est donc l'heure de se dire au revoir avant de se quitter. Un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui à 10h30. Nouvelle émission avec le CESAD de Remiremont qui viendra faire son atelier musique dans nos studios avec une émission donc intitulée Les émotions. Rendez-vous à 10h30. À 11h30, ce sera En route vers l'insertion avec Chris. 13h30, la rediffusion de Mille et une histoires du tatouage avec Alex. 15h, Bollecker. 20h, Nothing but the blues. Et 21h, la rediffusion de Mosaïque. Quant à nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.